quand on avait des télés en noir et blanc, hein? On ouvrait ça, puis ça prenait une minute à allumer quasiment. C'est bon? OK, tu me mets en dupliqué. Fait que là, ce que je vois là, ça affiche en arrière. C'est ça? Le plein écran. Ça s'en vient. On règle la technique. Puis... Voilà. On va commencer avec un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné ton Fils Jésus pour qu'on puisse véritablement s'approcher de toi en toute quiétude. Et pour t'honorer, Seigneur, il faut honorer Jésus-Christ. Et ce matin, j'espère, à travers la lecture de ce chapitre dans Nombre, qu'on va saisir encore plus cette vérité importante de glorifier Jésus-Christ dans tout ce qu'on fait. Seigneur, sers-toi de la faiblesse de ton serviteur ici pour qu'on soit édifiés tous ensemble. Si ton Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, Seigneur, je travaille en vain. Et nous sommes ici assis en vain. Mais je suis convaincu du contraire que tu veux bénir ton Église, tu veux bénir ton peuple qui est ici présent. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Amen. La seule façon pour s'approcher de Dieu, c'est le titre que j'ai donné au message, vous allez voir à travers la lecture qu'on va faire, à travers les explications que je vais regarder avec vous, à pourquoi j'ai intitulé cette prédication-là, la seule façon pour s'approcher de Dieu. On va commencer avec la lecture. Ça fait que tourner dans Nombre, il ne veut pas apparaître. Nombre 18, puis gardez votre doigt là-dedans parce qu'on va y revenir un petit peu. C'est un long chapitre, il y a 32 versets. On ne pourra pas passer à travers tous les sujets possibles dans ce passage-là. On va en faire un en particulier. Nombre 18, verset 1. Ça va, tout le monde est là? L'Éternel dit à Aaron, on doit remarquer ici que c'est la deuxième fois dans les Écritures que Dieu parle directement à Aaron. L'Éternel dit à Aaron, « Toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. » Sacerdoce, là, pour les plus jeunes, ça veut dire la prêtrise. Tout ce qui a trait à la prêtrise. La prêtrise, particulièrement, c'était d'offrir des sacrifices à travers le temps. Pas juste ça, mais en particulier. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, ça c'est le reste de la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage, qui est la tente d'assignation, qui est le tabernacle, si on peut le voir ainsi. Ils observeront ce que je leur ordonnerai, ce que tu leur ordonneras. Et ce qui concerne toute la tente. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. C'est sévère, hein? Pas de passe-droit. Ils seront attachés et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tout le service de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous. Vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel. Ils vous seront remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce. Rappelez-vous là que l'adresse est à Aaron et ses fils, donc les prêtres, pas les autres. Les autres sont impliqués dans le service. Pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est dedans, en dedans du voile, c'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. l'étranger qui approchera sera mis à mort. Pas question de les Lévites même aillent au-delà de ce qu'il va leur être attribué. L'Éternel dit à Aaron, « Voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. » Vous comprenez que quand c'est consumé par le feu, il n'y a plus rien à manger. « Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation, tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes, seront pour toi et pour tes fils, pas pour les Lévites, les sacrificateurs. Vous les mangerez dans un lieu très saint. » Ça, c'est le lieu très saint qui existe, c'est juste avant le voile. Tout mâle en mangera, vous les regarderez comme saints. Pas les femmes ni les enfants des sacrificateurs. Pour ça, c'est juste les sacrificateurs, ceux qui sont appointés. Voici encore, il va y avoir quelque chose pour les familles des sacrificateurs, mais ça vient plus loin. Voici encore ce qui t'appartiendra, tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation, en les agitant de côté et d'autre, je te les donne à toi et à tes fils, et à tes filles avec toi. Alors là, on voit les familles apparaître. Par une loi perpétuelle, quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel, tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé, les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Donc on voit que les familles sont impliquées, mais en dehors du service dans le tabernacle. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Intéressant. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement, tu ne feras racheter le premier-né de l'homme, autrement dit, les humains qui sont premiers-nés. J'aurais été un de ceux-là, si j'avais été à cette époque-là. Tu feras racheter le premier-né de l'homme et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois. D'après ton estimation, au prix de 5 sicles d'argent, selon le sicle du sanctuaire, qui est 20 guéras. Mais tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre. Ce sont des choses saintes, tu répandras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc, les règles sur les premiers-nés, évidemment, Dieu ne fait pas mourir les premiers-nés humains, il demande à Israël de les racheter parce qu'ils lui appartiennent depuis la fuite, depuis la sortie d'Égypte. Verset 18. Leur chair sera pour toi comme la poitrine qu'on agite de côté et d'autre, et comme l'épaule droite. Je te les donne à toi et à tes fils, à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle. Toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité après toi. C'est intéressant ces déclarations-là, inviolables à perpétuité, là. Ça revient à 2-3 reprises dans le texte. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. » Donc, tous les sacrificateurs n'ont pas de possession matérielle. Ils vont habiter dans des villes de Lévites, mais ils n'ont pas de possession matérielle. Je donne comme possession aux fils de verset 21, je suis rendu. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font et le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu parleras aux Lévites et tu diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'aire et comme le moût qu'on prélève de la cuve. » Le moût, vous savez, c'est le ferment avant qu'on fasse du vin, là, quand on a mis les raisins en bouillie. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur, à Aaron, l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les dîmes. Excusez-moi. Vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel sur tout ce qu'il y aura de meilleur, et vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air, comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez dans un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché. Quand vous aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. On voit que Dieu a une provision pour les Lévites qui n'ont pas la charge du sacerdoce, ni de la prêtrise, ni des sacrifices, mais que Dieu est prévenant à leur égard parce qu'ils font un service que Dieu apprécie et pour lequel il les a appointés. C'est un long chapitre, hein? Il y en a qui ont voulu fuir leur responsabilité de prédication là-dessus. Et Dieu m'a mis à cœur de le faire. Je ne sais pas si je vais réussir. Contexte. Avec Michel, il y a 3 semaines déjà, Michel. On a étudié nombre 16 qu'on identifie à la révolte du Lévite Corée et des Rubénites Datan et Abiram. Je ne nomme les tribus ici parce que c'est important. Avec les 250 hommes des enfants d'Israël qui ont été pris parmi le peuple, des principaux de l'Assemblée et qui étaient des gens de renom. Vous savez comment ça s'est terminé? Ils ont confronté Moïse avec l'autorité que Dieu donnait à Moïse et ça n'a pas marché pour eux. Et la terre les a engouffrés. Vous vous rappelez de ça? La révolte de Corée, Datan et Abiram. C'est connu comme Barabbas dans la Passion. Dans la Passion, hein? Vous connaissez l'expression québécoise? Quand on dit c'est connu comme Barabbas dans la Passion, ça veut dire que c'est pas idéal parce qu'on serait mieux de dire c'est connu comme Jésus sur la croix. Il me semble que ce serait mieux, mais l'expression est faite avec Barabbas. Bon, ça fait qu'avec Michel, c'est ce qu'on a vu dans Nombre 16. Avec Jean-Claude, il y a 2 semaines. On a vu la fin du chapitre 16. Nous avons vu que le châtiment que Dieu a imposé aux révoltés n'a pas fait taire les murmures du peuple, à un point tel que Dieu a appointé, à travers Moïse, Dieu a appointé à Aaron pour intercéder pour le peuple, pour que la plaie s'arrête. Il y a eu quand même une plaie qui a entraîné 14 700 personnes à décéder. Et c'est le souverain sacrificateur Aaron qui a été placé entre les morts et les vivants en intercédant et en faisant l'expiation pour le peuple. Et ça pointe vers notre chapitre où Dieu dit à Aaron particulièrement dans son rôle de souverain sacrificateur. C'est bon? Vous êtes d'accord? Je n'ai pas dit d'annerie, Jean-Claude, tu es d'accord? Je fais attention parce que des fois. Hein? OK. Il dit qu'il n'y a pas le choix. Donc, on arrive à Gilles, la semaine passée. En Nombre 17, 1 à 13. Dieu, pour faire cesser les murmures du peuple à l'égard de son autorité de souverain sacrificateur, Dieu a imposé un exercice. Vous vous rappelez l'exercice qu'il a fait faire? Ramasser 12 bâtons, un par tribu, avec un des bâtons des principaux par tribu. Et il a mis le 13e bâton, celui d'Aaron, dans le temple, je crois, si je me rappelle bien. Et le seul, Dieu a dit d'avance, il dit, le seul qui va bourgeonner, ça va être lui que je mets en tête. Pour que vous arrêtiez de contester. En tout cas, en résumé, ce qu'on a vu avec Gilles, on a vu plus que ça, là, mais ça fait que les 12 bâtons, là, il y a eu un bourgeonnement miraculeux. Vous vous rappelez, Gilles l'a même fait exagérer un peu l'affaire en disant qu'il y avait des fruits, il y avait toutes sortes d'affaires dedans. Possible, hein? Je ne dis pas que c'est... Fait que là, j'imaginais les grosses grappes de raisin, puis après le bâton, là. Les amandes. Bon, c'est bon que vous ayez suivi, plus que moi. C'est bon, je suis fier de vous. C'était un test. Seule la verge d'Aaron a fleuri a été conservée comme un signe que c'est Aaron, le souverain sacrificateur, qui a l'autorité de Dieu. C'est intéressant comment ça pointe vers Jésus. Jésus, le seul, le dernier souverain sacrificateur, l'unique et qui est toujours vivant. Ça, c'est le Nouveau Testament qui nous dit ça. C'est lui qui a l'autorité de Dieu. Rappelons-nous ça, là, dans notre analyse du chapitre 18 qu'on va faire. Ce qui arrive à Aaron et au peuple, c'est en préfiguration de ce qui va arriver à Jésus-Christ et que Dieu veut faire à travers Christ. Et pour nous, ça a énormément d'importance. On va lire en 17, 12 à 13, parce que c'est important, je ne l'ai pas lu ce matin. C'est juste avant notre chapitre 18, deux versets. Ça met le contexte, ça fait partie de notre contexte. OK. Moïse fit ainsi, en parlant des verges, et il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse. Là, c'est le peuple qui réagit suite à l'appel des 14 700, plus ce qui est passé avec Corée, Dathan et Abiram. Le peuple ici vient voir Moïse et dit à Moïse, « Voici, hey, on va tous mourir. Hein? Nous, voici, nous expirons, nous périssons. Nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? » Vous voyez que ça, c'est ce qui a entraîné la révélation que Dieu nous fait à travers le chapitre 18. Là, Dieu appointe le souverain sacrificateur comme un leader clé. Et pour arrêter de contester son autorité. Évidemment, Aaron, c'est un homme, comme tous les autres hommes, qui n'est pas parfait, contrairement au dernier souverain sacrificateur qui est Jésus. Mais retenons pour nous que c'est le même genre de choses que Dieu fait avec Christ. Donc, contester Jésus-Christ, c'est contester Dieu, c'est d'aller dans d'essayer de s'approcher de la tente d'assignation et de périr. C'est intéressant. Comment on peut faire une application avec ce qui se passe dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance? Et on peut regarder dans le chapitre qu'on a lu, là. Au verset 22 du chapitre 18, « Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. » Donc, à l'époque de l'Ancienne Alliance, Dieu a donné la loi et les lois concernant le tabernacle. Et le tabernacle, c'est l'endroit où Dieu manifeste sa présence parmi le peuple. Mais c'est complètement fermé. C'est accessible seulement qu'à un souverain sacrificateur dans des conditions particulières une fois par année, avec toutes sortes de règles à suivre. C'est complètement fermé au reste du peuple. Ils peuvent venir vers Dieu avec des sacrifices, mais ils ne s'approchent, ne peuvent pas aller dans la présence de Dieu dans le lieu très saint. Le souverain sacrificateur humain, Aaron, peut le faire une fois par année. Et ses descendants après lui vont faire la même chose. Et quand ils y vont, c'est en tremblant. Et ça a répondu à l'observation que le peuple a dit, on va tous périr si on s'approche. Oui, mais voici comment ça va fonctionner maintenant. Et pour nous, dans le Nouveau Testament, ça nous dit la même chose. Pour s'approcher de Dieu, sans le souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, c'est just too bad. C'est une mauvaise expression, c'est final, ça ne passe pas. On va le voir un peu plus tard. Donc, chapitre 18 établit donc une partie des règles d'autorité provenant des sacrifices et des choses dévouées par interdit. Le rachat des premiers-nés, les dîmes, etc. Il y a plusieurs sujets. Moi, ce matin, je ne traiterai pas tous les sujets. C'est impossible. Il pourrait y avoir une prédication par sujet, quasiment. Je vais m'occuper juste de l'aspect de l'autorité que Dieu donne au souverain sacrificateur et au sacrificateur. Parce qu'on parle du souverain sacrificateur, mais les sacrificateurs ont un rôle. Puis les sacrificateurs, ce ne peut être que les fils d'Aaron ou ses descendants, dans sa lignée à lui. Ce n'est pas l'ensemble des Lévites. Fait qu'on ne touchera pas à l'aspect des dîmes. Ça pourrait être un sujet de discussion. Le rôle des Lévites, ça a déjà été traité dans le passé, dans d'autres passages de Nombres. Mais je vais insister davantage sur le fait que Aaron et ses fils sont les seuls autorisés à entrer dans le sanctuaire. Et vous allez voir que ça a un impact pour nous aujourd'hui. En guise d'introduction, on va lire 1 Corinthiens 9:13. Juste pour convaincre de quelque chose. Alors, c'est l'apôtre Paul ici, dans l'épître aux Corinthiens, le premier épître aux Corinthiens, qui parle de la problématique que les Corinthiens ont avec le fait qu'ils ne réclament aucune participation de leur part à l'effort d'évangélisation qu'il fait. Hein, il va dire au verset 12, « Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, c'est-à-dire de collecter des fonds pour leur travail, n'est-ce pas plutôt à nous, nous étant Paul et ses Timothée et Silas et compagnie, d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout pour ce qui n'est, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. » Et là, le verset qui est important pour nous, c'est « Ne savez-vous pas que tous ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temps? » Ça, il parle d'Aaron, il parle d'Aaron et ses fils, les sacrificateurs en descendant, là, toute la lignée de sacrificateurs qu'il va avoir à partir d'Aaron. Ils sont nourris par les sacrifices qui sont offerts. Intéressant. Vous allez voir que c'est intéressant. Quel est l'impact de ces règles pour les croyants de la Nouvelle Alliance? C'est affaire avec nous autres, ça, cette affaire-là. Apocalypse 1:6, hein? C'est comment ça commence? À celui qui nous aime, c'est un chant qu'on chante souvent, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On répète pas le deuxième amen. Qu'est-ce que ça dit? Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, tous les croyants de la Nouvelle Alliance sont des sacrificateurs. Avec quoi doivent-ils se nourrir? Là, j'imagine que croyants inclut ici les croyantes aussi, là. Je ne veux pas vous mettre à part. Vous faites partie des sacrificateurs de Dieu. Fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Christ, en offrant son sacrifice, il s'est acquis un royaume de sacrificateurs. Donc, Philippe, ne t'en déplaise, t'es rendu un sacrificateur maintenant. Et David, tout nouvellement ajouté, hein? Sacrificateur. Donc, tu vas te nourrir de quoi? C'est ça le point ici de base. Dans Corinthiens, les sacrificateurs du passé étaient nourris par les sacrifices. Vous êtes d'accord? Donc, les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance vont être nourris par... Il n'y a plus de sacrifice, il n'y a eu un seul, et il est là pour l'éternité. Il est nourri par le sacrifice de Jésus-Christ. Vous allez voir que Jésus est allé loin là-dedans. Hein, on va dire les règles sur la nourriture des sacrificateurs. Voici ce que les sacrificateurs devront manger dans le lieu très saint. Répétition des règles données en Lévitique 1:20. Je ne le lirai pas avec vous, c'est trop long. Mais les versets 8 et 10 dans le chapitre 18, les choses offertes par élévation, les offrandes, leurs dons, les sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité. Dites-moi, le sacrifice de Jésus, ce n'est pas là-dedans? Est-ce que c'est un sacrifice d'expiation? C'est un sacrifice pour la culpabilité des humains? Pas pour sa culpabilité à lui. Mais il s'est fait homme. Il s'est offert en sacrifice. Et il a été offert par élévation, hein? On l'a mis sur quoi? La croix était couchée à terre ou debout? Exposée à tout le monde, à la face du monde. Donc, c'est un sacrifice par élévation, hein, on va dire. Allez lire les règles de Lévitique 10, là, si vous avez le temps. Moi, je n'ai pas le temps de le faire avec vous ce matin, mais c'est un autre endroit où Dieu parle à Aaron de ce qui, avec quoi il va se nourrir. Mais on parle, c'est des règles de l'Ancien Testament. Mais comment on applique ça dans nos vies aujourd'hui? Dans les versets 11 à 19, ce sont principalement des règles concernant les familles de sacrificateurs. On l'a dit tout à l'heure. Donc, ça part à l'envers. Est-ce que vous voyez le tableau? Non, je sais que vous n'aurez pas le temps, vous n'êtes pas capable de lire, mais je veux juste vous parler. C'est pas moi qui l'ai pondu, c'est Gleason Archer, qui est un commentateur des Écritures, qui est assez fidèle dans ce qu'il fait. Et il traite ici de la part du prêtre, qu'est-ce qu'il pouvait manger dans les sacrifices, dans tel type de sacrifice. Je ne le ferai pas avec vous, mais ceux qui en veulent une copie, je pourrais vous le transmettre. Ça va? Je ne veux pas faire ces détails-là avec vous, j'ai d'autres choses à regarder avec vous. On va regarder maintenant ce que Jésus dit. Et mettez-vous dans le contexte de la nourriture du croyant de la Nouvelle Alliance. On va prendre le temps de le lire, c'est assez long, c'est sur deux acétates, sur deux diapos. Je suis le pain de vie. Peut-être juste avant, on va juste lire quelque chose. Verset 40 du même chapitre précise de l'Évangile de Jean. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, Jésus ici est en train de parler à ceux qui vont croire en lui. « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. » Évidemment, il parle de lui-même. « Afin que celui qui en mange ne meure point. » Regardez comment c'est relié à la nourriture. « Je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Deux fois la même déclaration. Hein? On a vu avec Mathieu Coron dans le cours de l'école du dimanche que quand Dieu répète quelque chose dans les Écritures, je sais que c'est vrai. « Et le pain que je donnerai, c'est... » écoutez, là. « Ma chair. » Jésus est en train de se cannibaliser. Hein, c'est ça? Ben non. Mais il va le dire pourquoi, plus tard. « Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, Donc, la chair de quoi? Du sacrifice qu'il va faire. Au moment où il prononce ces paroles, Jésus n'a pas encore offert. Il n'a pas encore été offert. Il n'a pas encore mort. Son sacrifice n'a pas été consommé, on va dire. Ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Je saute quelques versets. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est réglé. Donc, si tu fais partie des sacrificateurs de la Nouvelle Alliance, tu es appelé à manger la chair du Fils de l'homme. Mais vous allez voir que ce n'est pas littéral. Jésus le dit, il clarifie plus loin. Mais ça montre la relation qu'il y a avec le sacrifice. On va arrêter, juste une petite pause. Quand vous mangez de la viande, du bacon, hein, Jean-Claude? Pour manger du bacon, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait lieu? Vous savez que c'est un animal impur dans l'Ancien Testament. Hein? Il faut que le porc qu'on cède, puis il faut le zigouiller, hein, à quelque part, trancher quelque part dans sa carcasse, le bacon, le faire cuire, etc. Est-ce qu'on ne pense pas à ça quand on mange de la viande? Vous mangez un steak. Ce n'est pas une tranche qu'on a prélevée sur un bœuf et a continué à vivre, là. D'accord, d'accord, Nathalie? Quand on mange de la viande? David, si tu manges, je ne sais pas moi, un hamburger, il y a une boulette de viande qui résulte d'un bœuf haché à quelque part. Bon, aujourd'hui, on a inventé toutes sortes de choses pour remplacer ça, mais quand même, quand on parle d'un animal, il a été sacrifié. On ne pense pas qu'on vit une certaine communion avec cet animal-là. Bon, on ne peut pas communier avec les animaux dans le sens humain du terme, mais quand même, il y a quelqu'un qui a payé de sa vie là-dedans. C'est la même chose avec Jésus. On n'est pas appelé à manger Jésus physiquement. Non, ça ne se peut pas. Mais on est appelé à communier avec lui, constamment. En vérité, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle, je le ressuscite au dernier jour. Le discours de Jésus ici dans Jean 6, là, il est relié de façon directe à se nourrir du sacrifice qu'il a été. Je pourrais, en tant que croyant, je peux bien dire, oh, ben, pas grand-chose, je vais me nourrir de ce que le monde m'offre. Mais ce que le monde t'offre, ce n'est pas nécessairement Jésus-Christ, son sacrifice. Le sacrifice de Jésus, il rappelle constamment que j'ai été gracié. Il y a une communion intime ici avec que Jésus veut pour chacun des, on va dire, du royaume des sacrificateurs de la Nouvelle Alliance. Et c'est de ça que tu dois te nourrir. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. Donc, si je ne fais pas ça régulièrement, me nourrir du sacrifice que Jésus a été pour moi, ben, je ne demeure pas en lui, je demeure dans quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas m'écarter et revenir. Là. Ça, c'est une autre affaire. Donc, le croyant doit, d'une certaine façon symbolique, manger le sacrifice de Jésus régulièrement, se rappeler tout ce que ça implique. Comme le Père est vivant et m'a envoyé que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Terrible, pas terrible. L'insistance, excusez, que Jésus met sur la nourriture ici avec lui, hey, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé de la manne et qui sont morts. Évidemment, ceux qui ont mangé de la manne à l'époque dans le désert sont morts. Celui qui mange de ce pain, en parlant de lui, vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Puis au verset 63, c'est là qu'il va clarifier pour les disciples, parce que là, les disciples ne comprennent pas. Là. Le cannibalisme chez Israël, ça ne passait pas. Mais Jésus est en train de dire qu'il va se cannibaliser. Il est en train de dire l'importance que le sacrifice qu'il va accomplir dans la vie des futurs croyants. Et c'est comparable au sacrifice des animaux. Quand on mange un animal ou qu'on mange une partie d'un animal, il faut penser qu'on est comme en communion avec cet animal-là. Ici, ce que Jésus vit, c'est la communion avec lui-même. Et c'est la base de son sacrifice qui doit toujours être renouvelé dans nos cœurs. La torture achève, vous allez voir. Pas trop long, encore. 1 Pierre 1, versets 1 et 2. Vous allez l'avoir à l'écran, là. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. On pense que la première épître de Pierre a été envoyée à ces communautés de croyants qui étaient dispersées dans ces contrées-là. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Dans son introduction de l'Épître, Pierre fait référence ici à un rôle de sacrificateur. Les sacrificateurs, quand un animal qui était offert, devaient répandre le sang, devaient disperser le sang, l'aspersion du sang. Ça faisait partie du rôle du sacrificateur. Comme sacrificateur dans la Nouvelle Alliance, hein, on est un royaume de sacrificateurs, on doit annoncer ou participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que j'enseigne les gens qui sont autour de moi avec le fait que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes, qu'il a versé son sang, et que si tu n'as pas le sang de Jésus-Christ, tu ne passes pas. Hein, vous avez le verset en haut aussi, là, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il y a plein de passages qui montrent que sans le sang de Jésus-Christ, personne ne passe. Quand vous annoncez l'Évangile, pensez-vous de parler du sang de Christ qui a été versé? Souvent, on ne le fait pas parce qu'on dit « Ah, l'autre, il ne comprendra pas, c'est trop flayé pour lui. » Jésus, ici, il a été flayé. Il y en a plusieurs qui ont arrêté de le suivre quand il a dit, dans Jean 6, tout ce qu'il a dit à propos du pain de vie. C'était flayé. Même pour les Juifs, il y en a plusieurs qui ont cessé de le suivre. Nous autres, des fois, on a peur. C'est important de rappeler qu'il y a eu un sacrifice et que c'est ça qui honore Dieu. Dieu a tout fait passer par Christ. Et quand on honore Jésus-Christ, on honore Dieu. Si on n'honore pas Jésus-Christ, on n'honore pas Dieu. Allez, j'arrive déjà à la conclusion. Vous êtes chanceux, ce matin, ça ne durera pas longtemps. Conclusion pour les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance. Les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance devaient manger la serre des sacrifices régulièrement. À chaque fois qu'il y avait un sacrifice qui était offert, il fallait que la chair soit mangée. Ils participaient dans chacun des sacrifices. Les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance, c'est la même chose. D'une manière symbolique, on en mange continuellement du sacrifice de Jésus. On doit le rappeler dans notre mémoire à nous, mais aussi à tous ceux à qui on l'annonce. Donc, on doit s'en nourrir continuellement et spirituellement. Et c'est qu'on ne fait pas toujours, on l'oublie. On est pris dans toutes sortes d'affaires de la vie, puis on ne pense pas à ces choses-là. Extrêmement important. On pourrait relire, mais 6:48, je vais le relire, parce que c'est important. On ne lira pas 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Conclusion inverse, si quelqu'un ne mange pas de ce pain, il ne vivra pas éternellement. Il ne passera pas l'éternité avec Dieu. Il va subir le châtiment éternel, qui n'est vraiment pas drôle. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Est-ce que c'est important de parler de ça? Les Juifs là, qui ont entendu ça la première fois, ils n'ont rien voulu savoir. Même les disciples, les douze, ont été troublés. Jésus leur a dit que Ce n'était pas physiquement qu'il fallait que ça se fasse, mais spirituellement. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on néglige le sacrifice de Jésus? C'est primordial dans l'annonce. Participer à l'aspersion du sang de Jésus, c'est ça. Je n'ai pas le temps de relire. Je ne lirai pas tout au complet, le 6:41-63. Vous pourrez le faire vous-même. Mais chapitre 6, c'est important. Donc, par son sacrifice sur la croix, Jésus est la seule interface qui permet à quiconque d'être dans la présence de Dieu et de vivre éternellement. Mettez votre nom là, pour ceux qui ne sont pas encore décidés. Qui permet à David, on va le viser lui, qui permet à Philippe Roy avec un Y, à Rémi, ça fait longtemps déjà que tu as fait ça Rémi, d'être dans la présence de Dieu et de vivre éternellement avec Dieu. Et je vous annonce une petite interface pour le camp, on va parler de l'espérance du croyant au camp, en fin de mai. Ne manquez pas ça. On a besoin d'être stimulé dans l'espérance de ce que Dieu nous a promis pour que ça soit, qu'on ne se relâche pas, qu'on aille jusqu'au bout dans le ministère que Dieu nous confie, chacun pour sa part. Fait que par son sacrifice, là, c'est la seule interface qui permet à quiconque d'être dans la présence de Dieu et de vivre éternellement. Donc, il ne faut pas négliger le sacrifice de Jésus, c'est vraiment important. Tite, 1 Timothée, c'est-à-dire 2, 3 et 6, je pense que je l'ai écrit en bas. « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus, c'est le Fils de l'homme qui nous a été donné. Il est Fils de Dieu, mais Fils de l'homme. Et c'est le seul médiateur qui est entre Dieu et les hommes. Donc, d'où l'importance de s'attacher à son œuvre. Donner lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son propre temps. Donc, toi qui es ici ce matin, qui est peut-être troublé, j'ose avouer que si vous êtes troublé, je suis content que ce soit le Saint-Esprit qui le fasse, c'est pas moi. Mais si vous êtes troublé par ça, puis que vous vous demandez, c'est effectivement, c'est savoir des choses sur Jésus, là, savoir qu'il est le Fils de Dieu, ça ne sauve pas. Ça prend une intime communion avec son sacrifice, qui a été fait pour que vous ayez une pleine réconciliation avec Dieu. C'est bon? Fait que si jamais vous êtes troublé et vous voulez aller plus loin, gênez-vous pas pour en parler avec soit ceux qui vous emmènent ici, soit d'autres. Mais négligez pas le sacrifice de Jésus. Fini, Gilles.